sommes installés au musée de Grenoble, musée en musique, depuis l'ouverture du musée en 1994. Notre rôle est de développer une programmation musicale à l'auditorium. Nous avons souhaité, au cœur de cette programmation, mettre en œuvre cet événement. On se bat énormément pour monter des projets comme ça. C'est difficile, mais comme on est enthousiaste qu'on y croit, comme Beethoven, on est un peu héroïque aussi, je crois. On programme de la musique classique, mais on ne fait pas que ça hein, dans la programmation de musée en musique, loin de là. Hein. Mais c'est vrai que la base, c'est la musique classique. Et cette musique classique, elle est d'aujourd'hui. Elle traverse les époques sans aucune difficulté. L'hymne à la joie, tout le monde le connaît. Ses symphonies sont connues. Elles veulent dire beaucoup de choses. Elles expriment beaucoup de choses. Et qui se retrouvent de génération en génération. Qui va traverser les siècles comme ils le font, comme l'a fait Mozart, Schubert ? Il n'y a pas de parole, c'est pas de comme dans la variété. Et je pense que ça laisse justement libre cours à une interprétation plus personnelle, à quelque chose qui vous pénètre plus profondément, puisque c'est vous-même qui allez y mettre votre ressenti. Et puis, il y a l'importance de ces personnalités dans leur époque. Quelquefois, pas tout à fait jusqu'à la fin de leur vie. Quelquefois, ils ont eu des déboires à la fin de leur vie, sont tombés dans l'oubli, pour rejaillir mieux et plus fortement après. C'est un peu le cas de Mozart, par exemple. Je suis extrêmement touchée par beaucoup, beaucoup de choses qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est complètement différent de cette espèce de statue mythique du grand Beethoven. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui parle, qui te parle, et qui est d'une sincérité absolue. Moi, je suis très heureuse que cette année, ce soit sur Beethoven. L'année dernière, c'était Schubert et j'ai adoré aussi. Dans un auditorium qui a une petite scène, donc on va aborder principalement sa musique de chambre, l'opportunité de mettre en œuvre notre grand chœur de la folle nuit avec l'hymne à la joie qui sera chanté à la fois par des adultes et par des enfants. L'hymne à la joie transmet beaucoup de choses. C'est vrai que le fait d'avoir 3 jours que du Beethoven, c'est vraiment génial parce que du coup on va avoir plein d'interprètes différents, que ce soit Rémi Génier que j'ai découvert il y a quelques années déjà, je suis sûre que ça va être exceptionnel. Que ce soit les choses que vont faire les élèves du conservatoire, sur les projets où on va avoir des lectures du testament de Heiligenstadt, on va avoir des lectures de lettres à la bien-aimée lointaine, et puis de la musique de chambre, et puis du piano solo. On est tout à coup mis dans une structure où il y a aussi des très grands qui jouent. Quelque part, ça met un peu la pression et ça oblige les élèves concernés à se mettre tout à coup dans un rôle de professionnel. Même s'il n'y a pas un niveau qui correspond, il y a une réelle émulation, en tout cas dans le groupe des élèves qui viennent du conservatoire. On va voir les professionnels qui jouent et c'est vrai que c'est une émulation. Ces jeunes musiciens sont à la fois les musiciens pour certains de demain ou le public de demain. Il va de soi que c'est important de leur mettre le pied à l'étrier, de les accompagner pour ceux qui souhaitent devenir professionnels, aller devant un public, monter sur scène. Vous savez, ce n'est pas évident pour tous ces jeunes-là. On veut mettre le pied à l'étrier de ces jeunes artistes et les mettre au contact des plus grands, des plus célèbres, qui sont des références, qui peuvent leur communiquer énormément de choses dans leur apprentissage. On avait initié il y a quelques années le printemps des jeunes interprètes et on avait de jeunes artistes, de jeunes musiciens qui venaient, qui se produisaient, qui allaient à la rencontre du public. Et en plus, on se rend compte qu'ils sont capables de transmettre tellement de choses magnifiques, ne serait-ce que l'enthousiasme de celui qui espère, c'est déjà beaucoup.